بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir octroyé ces rencontres à travers ce moyen de communication. Et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien tous ceux qui sont derrière cet outil qui nous permet de nous rencontrer et d'étudier notre religion. Donc, nous sommes toujours dans cette série, l'hiver est là. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, notre religion musulmane est une législation facile. C'est une législation où la gêne et la difficulté n'ont pas de place. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. La traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate la Vache, verset 185, nous dit cela. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. وقال سبحانه وتعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Et dans ce deuxième verset, le verset est dans Sourate Al-Hajj, verset 78, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit cela. C'est lui, c'est-à-dire Allah, c'est lui qui vous a élu sans vous imposer la moindre gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et il a élu les croyants pour cette noble religion dans laquelle il n'y a aucune difficulté, aucune gêne. Cette législation musulmane rejette la gêne car le but de cette législation c'est de prodiguer le bien et de repousser le mal. Allah, le souverain des mondes subhanahu wa ta'ala, pour chaque obligation a mis une facilité pour repousser la gêne et la difficulté. Et nous allons voir certains points de la législation concernant la saison d'hiver, car notre religion est complète et concerne tous les aspects de la vie et tous les différents moments de la vie. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La traduction approximative du sens de ce verset, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée l'islam comme religion. Donc c'est une religion, une législation qui est complète et qui concerne tous les aspects de la vie et tous les différents moments de cette vie. Au niveau de la purification, voici certains points. Le premier point, c'est que l'eau de pluie est pure et purificatrice. On peut la boire, on peut faire ses ablutions avec, on peut faire les ablutions, la purification majeure avec, la purification mineure. قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Dans Sourate le Critère, verset 48, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Et nous faisons tomber du ciel une eau pure et purificatrice. Donc, il est permis de faire la purification majeure ainsi que la purification mineure avec l'eau de pluie, c'est-à-dire le ghusl ainsi que l'eau d'eau. Il est permis de le faire avec l'eau de pluie puisque c'est une eau qui est pure et purificatrice. Le deuxième point, l'eau d'eau, durant la saison d'hiver, l'eau d'eau, quand il fait froid, expie les péchés. Et c'est une cause pour s'élever en degré. Le messager d'Allah a dit, trois actes sont une expiation. C'est-à-dire une expiation des petits péchés. Après une prière, attendre l'autre prière. C'est-à-dire, on a fait une prière à la mosquée, on attend l'autre. Deuxièmement, perfectionner l'eau d'eau quand il fait froid et faire des pas vers les prières en commun. Le hadith est authentique. Il est dans la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahmatullah alayh, aussi dans son Sahih al-Jami'. Donc, le dos, quand il fait froid, expie les péchés. Donc, il convient aux musulmans et à la muslima de patienter et de supporter le froid et de perfectionner son dos comme il lui a été demandé. Le fait de perfectionner le dos est demandé en tout temps. Mais quand il fait froid, la récompense augmente. Et il y a le fait d'être élevé en degré. Perfectionner le dos veut dire laver les membres complètement, sans diminuer le lavage d'un membre. Chaque membre doit être lavé sans laisser aucune place de ce membre qui ne soit pas lavé. Et là, il y a trois points auxquels il faut faire très attention. Premier point, certaines personnes pendant la période froide sont laxistes au niveau de l'eau d'eau. Certains essuient les membres qui doivent être lavés. Au lieu de les laver, ils les essuient tout simplement. Et ceci peut être parmi les annulatives de cet eau d'eau. Et donc si l'eau d'eau est annulée, la prière aussi. Ils agissent ainsi prétextant la facilité de la législation. Mais cette facilité, akhal islam, doit être légiférée et non dictée par la raison et les passions de la personne et les désirs de la personne. Aussi, certaines personnes ne remontent pas complètement les manches de leurs vêtements, ce qui fait qu'une partie du bras ne sera pas touchée par l'eau. Et cela est interdit. Et le dos de la personne n'a pas eu lieu dans ces cas-là. Donc, la prière n'aura pas eu lieu non plus. Donc, il est obligatoire de remonter les manches et de laver le coude, car il fait partie des obligations de le dos. Le deuxième point ici, certaines personnes ont de la gêne pour utiliser l'eau chaude, alors que les savants ont dit que l'eau chaude fait partie de l'ensemble des eaux qui sont autorisées pour la purification. Cette catégorie de gens prétexte que l'utilisation de l'eau froide augmente les difficultés et donc cela élève en degré. Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, qui est chez l'imam muslim, a dit « Voulez-vous que je vous montre avec quoi Allah efface les péchés et élève en degré ?» Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il a dit « Perfectionnez le dos malgré les difficultés. » Le Qurtubi, rahimahullah, dans l'explication qu'il a fait de Sahih Muslim, a dit ça veut dire compléter le dos de chaque membre malgré le froid et la douleur du corps et autres. Voilà ce que ça veut dire. Compléter le dos de chaque membre malgré le froid et la douleur du corps et autres. Certains savants ont dit chauffer l'eau pour repousser le froid, pour se renforcer pour l'adoration, ne prive pas de la récompense citée dans le hadith. Et tout cela n'interdit pas non plus de faire le dos avec l'eau froide pour celui, ceux qui le peuvent et que l'eau froide ne leur cause aucun mal. Troisième point, il est permis de s'essuyer après le dos pendant la saison froide ou la saison chaude, car le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait une serviette avec laquelle s'essuyer après le dos. Et des fois, il ne s'essuyait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les points de la purification, le fait d'essuyer sur le khouf. Donc essuyer sur les chaussettes en laine, en coton, en cuir, qu'elles soient grosses, qu'elles soient légères, qu'elles soient transparentes, est une autorisation. L'essuyage sur les chaussettes et leurs similaires est un des aspects de la facilité de la législation musulmane. C'est une autorisation parmi les autorisations qu'Allah aime qu'on pratique. L'essuyage est permis selon l'unanimité des gens de la sunna. Hein? Et il est légiféré dans la religion d'Allah par le livre et par la sunna. Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, dans son livre l'Ihkam, a dit « L'essuyage sur le khuffain, c'est-à-dire ce qu'on met au pied, est réputé chez les savants de la législation, au point qu'il est considéré comme un emblème des gens de la sunna. Et le fait de nier l'essuyage est un emblème des gens de l'innovation. » Fin de citation. Donc, pratiquer l'essuyage sur le khuf pour un motif n'est pas une condition comme cela est cité par Nawawi rahimahullah et par Ibn Baz et d'autres hommes de science. Donc, il n'y a pas besoin de motif pour pratiquer l'essuyage sur les chaussettes, etc. En ce qui concerne les chaussettes, le khuf, en ce qui concerne les chaussettes, le khuf déchiré, ou celui dont n'existe qu'un morceau qui tient au pied, il est permis d'essuyer dessus aussi. L'imam al-Albani, rahimahullah, dans sa risala, concernant l'essuyage sur le khuf, dit, quand le fait d'essuyer sur le khuf, ou les chaussettes déchirées, il y a une grande divergence. Beaucoup l'interdisent, et ceci est relaté dans les livres de fiqh, et d'autres l'ont permis, et c'est notre avis, c'est-à-dire c'est l'avis de l'imam al-Albani qu'il est autorisé d'essuyer sur le khouf, même s'il est déchiré, du moment qu'il tient au pied. Comme c'est l'avis de Cheikh Al-Utaymiyyah, rahmatullah alayhim jami'an. Et Cheikh Al-Albani dit, une autre preuve pour cela, c'est qu'à la base, c'est l'autorisation, et celui qui met en condition que le khouf ou les chaussettes ne doivent pas être déchirées, on lui a, ou il donne aux khouf et aux chaussettes des descriptions précises, sa parole est rejetée. Et il dit, la preuve est dans la parole du messager, dans les authentiques, qui a dit, alayhi salatu wassalam, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est nulle. Et aussi, il dit, rahmatullah alayhi, il a été rapporté authentiquement de Soufiane Thawri, rahimahullah, qui aurait dit, essuie ce qui tient à tes pieds. Les khoufs des muhajirin et des ansar étaient troués. Il leur manquait des morceaux. Et ils étaient rapiécés. Ceci est rapporté par Abdurrazzaq dans le Musannaf. Et Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, a dit, ce qui est connu et ce qui est déterminé, c'est que les khoufs en général sont troués, décousus, surtout quand ils vieillissent, et beaucoup de compagnons étaient pauvres, ils ne pouvaient pas acheter des neufs. Recueil des fatawas, tome 21, page 174. Donc, frère Allah, Azza wa Jalla, l'essuyage sur les chaussettes, qu'ils soient en cuir, qu'ils soient en coton, qu'ils soient en laine, grosse, épaisse ou légère ou transparente est autorisée par la sunna et le consensus. Les hadiths sont nombreux dont la sunna confirmant cet acte. Les rawafid, quant à eux, rejettent l'essuyage sur les chaussettes alors que fait partie des transmetteurs de cet acte Ali radiallahu anhu arda. Et cela prouve la religion contradictoire dans laquelle ils sont ces rawafid. Abu Daoud rapporte dans ses sunnas, dans ses sunnas, le hadith de Ali radiallahu anhu arda. Ali a dit, c'est la source de la religion était la raison, il aurait fallu essuyer le bas des chaussettes et non le haut. Mais j'ai vu le messager d'Allah essuyer le haut des chaussettes. Hadith authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi dans l'Irwa. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans ce qui est rapporté par Ibn al-Mundhir dans l'Awsat, dit, 70 compagnons m'ont dit que le prophète a essuyé sur les soquettes, sur le khouf, les chaussettes et autres. L'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, selon ce qui est rapporté dans le Majmou' d'Ibn Qudama, j'ai aucun doute dans mon cœur sur le fait que l'essuyage est autorisé. Allahu Akbar. Et je cite un hadith ici, celui de Al-Mughira ibn Shu'ba, qui rapporte que son père a dit, que son père, que Allah subhanahu wa ta'ala agréé, a dit, j'étais en voyage avec le messager d'Allah, et au moment où le messager accomplit ses ablutions, je me suis baissé pour lui ôter ses choufs, c'est-à-dire à ce qu'il avait aux pieds. Et le messager m'a dit, laisse-les, je les ai enfilés après purification, et il a essuyé dessus. Le hadith est dans les authentiques. Venons maintenant à la durée du temps de l'essuyage, qui désigne en langue arabe le fait de passer les mains sur une chose, et dans la terminologie religieuse, le fait de passer les mains mouillées sur un élément spécifique pendant un temps délimité par la législation. Le khouf en arabe désigne tout ce qu'on porte aux pieds pour marcher, et dans la terminologie, ce qui couvre les pieds jusqu'au souliers, pour certains nombres de sciences, au moins que les chevilles, ou plus que cela, soit qu'ils soient en cuir, en laine, en coton ou autre. Concernant la durée permise pour la pratique de l'essuyage dans le hadith, on le retrouve dans le hadith de Safwan ibn Usal, radiyallahu anhu, ce hadith rapporté par Nasa'i, par Tirmidhi, par d'autres. Safwan ibn Usal a dit, lorsque nous étions en voyage, le prophète nous ordonnait de ne pas ôter nos choufs durant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas d'impureté majeure, mais pas après avoir défécué, uriné ou dormi. Donc il leur ordonnait d'essuyer pendant 72 heures à partir du premier essuyage. Et donc, sauf pour les impuretés majeures. Pour les impuretés majeures, il faut enlever pour laver les pieds. Les savants, rahimahumullah, ont retenu de ce hadith la permission de pratiquer l'essuyage sur le khouf en voyage de la même manière lorsqu'on est en résident. Et le besoin d'y avoir recours est plus grand en voyage. Ils ont retenu aussi la durée de la validité de l'essuyage sur les khoufs en voyage et de 3 jours et 3 nuits à compter du premier essuyage, c'est-à-dire 72 heures à compter du premier essuyage. Passé ce délai, il est obligatoire de les retirer et d'accomplir les ablutions en lavant les pieds totalement. L'essuyage sur le khouf ne concerne que l'état d'impureté mineure. Il est obligatoire de les enlever, d'enlever le khouf pour l'impureté majeure. Les savants sont unanimes sur ce point. Aucune divergence. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, le hadith de Ali, radiyallahu anhu wa arda, Ali a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé aux voyageurs de pratiquer l'essuyage sur le khouf durant 3 jours et 3 nuits. Et aux résidents durant 1 jour et 1 nuit. Donc les savants ont retenu du hadith de Ali, en plus de la durée de l'essuyage pour le voyageur, la durée de l'essuyage pour le résident. 1 jour et 1 nuit, c'est-à-dire 24 heures à partir du premier essuyage. Donc pour le voyageur, la durée démarre à partir du premier essuyage, et ceci durant 72 heures. Exemple par exemple, on est lundi, à midi, la personne a fait son odo pour le fajr et il a enfilé ses chaussettes. À midi, il a refait l'odo et il a fait un premier essuyage sur des sockets ou des chaussettes qu'il a rentrées alors qu'il était en état de pureté, après un lavage des pieds. Donc, là va démarrer pour lui la période de l'essuyage. Donc, il a de midi, lundi à midi, mardi ça lui fait 24 heures, midi du mercredi s'il continue à avoir les sockets aux pieds, ça lui fait 48 heures, et jeudi à midi ça lui fera 72 heures, et là il doit les enlever pour, quand il aura perdu le dos, il devra les enlever pour pouvoir relaver les pieds. Et pour le résident, il y a 24 heures. Par exemple, il a enfilé les sockets le matin, après le dos. À midi, il les a enlevés. Donc, le lendemain matin, à midi, la période de l'essuyage est terminée pour lui. 24 heures. On remarque ici la sagesse et la facilité de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui met chaque chose à sa place et prend en considération les différentes situations. Ici, le messager d'Allah a établi une distinction entre le résident et le voyageur. Le voyageur qui dispose d'une durée plus longue en raison de sa situation et de la difficulté qu'il peut rencontrer. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa ni'mati sunna wa ni'mati l'manhaj salafi. Allahumma amitna ala l'islam wa sunnati wa l'manhaj salafi. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam et pour la grâce de l'islam et pour la sunna et pour la grâce de la voie des pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir en tant que soumis et sur la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie des pieux prédécesseurs de Allah alayhim. L'essuyage a aussi ses annulatifs. Parmi les annulatifs de l'essuyage, si on est en état de janaba, donc l'impureté majeure annule l'essuyage, il faut se laver en lavant les pieds. En faisant son ghusl, il est obligatoire de ôter ce qu'on a aux pieds pour laver les pieds. Donc la janaba, on a commencé son essuyage, on s'est endormi avec ses chaussures après avoir essuyé dessus. Après, on a eu une janaba et donc là, quand on va faire son ghusl, on va devoir enlever les chaussettes. Donc, la janaba est un des annulatifs de l'essuyage, du temps de l'essuyage. Donc, deuxièmement, le fait d'enlever le khouf, d'enlever les chaussettes du pied, ou d'enlever l'un d'eux, hein, aussi va annuler le temps de l'essuyage. Mais ici, il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre ce qui annule l'odo et ce qui annule l'essuyage. Enlever les chaussettes, les deux chaussettes ou une, va annuler l'essuyage. Donc, quand on enlève les chaussettes sur lesquelles on a essuyé, l'essuyage, le temps de l'essuyage est annulé. On ne peut plus essuyer dessus si on les remet. Mais si on n'a pas eu d'annulatif de l'obo, on peut continuer de prier. Mais dès qu'on perd l'obo, en le refaisant, il faut laver les pieds, car l'essuyage a été annulé par le fait de les avoir enlevés ou d'avoir enlevé un des deux. Hein? Et ça, c'est la vie d'une grande partie d'hommes de science. Donc, la fin du temps de l'essuyage annule l'essuyage. Et le fait d'enlever les chaussettes va annuler aussi le temps de l'essuyage. Et il n'annule pas le dos. Le dos, il a ses annulatifs spécifiques. Donc l'essuyage est conditionné par un temps bien délimité et bien déterminé. Donc il n'est pas permis de dépasser le temps autorisé. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son authentique que le Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit « S'il coupe ses cheveux et ses ongles, ou enlève ses choufs, il n'a pas annulé le dos. » Ça veut dire quoi ces paroles? Ça veut dire, maintenant on a essuyé la tête, donc on avait des cheveux, on a essuyé dessus. Et en faisant le dos, on avait des ongles, et après on les a enlevés. Et en faisant le dos, on a essuyé sur le khouf. Notre dos ne va pas être annulé parce qu'on a coupé les cheveux sur lesquels on a essuyé. Ni il va être annulé par le fait d'avoir coupé les ongles qu'on a lavés. Ou va être annulé par le fait d'avoir enlevé ses chaussettes. Abadan, le dos a ses annulatifs spécifiques. Donc la parole prépondérante chez les savants, nous dit quand la personne enlève ses roufs et qu'il n'a pas eu d'annulatif de l'odo, que cela n'annule pas son odo, mais il annule seulement le temps, la période de l'essuyage, et il annule l'essuyage. Et c'est ce qu'a choisi, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dans le livre intitulé « L'Ikhtiyarat al-Fiqhiyya d'Ibn Taymiyyah », les choix de jurisprudence du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il a dit, l'eau de celui qui a essuyé sur al-khouf, c'est-à-dire sur les chaussettes, ou les sur le turban, ne s'annule pas par le fait de les enlever, ni par la fin du temps de l'essuyage. Donc son odo ne s'annule pas par le fait de les avoir enlevés. Et il n'est pas obligatoire pour lui d'essuyer la tête ou de laver ses pieds, et ceci est la voie de l'Hassan al-Basri, comme le fait de raser les cheveux sur lesquels on a essuyé, selon la voie authentique de l'imam Ahmed et l'avis de la grande majorité des savants. Fin de citation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un turban sur la tête comme le font les gens du Sahara, bien enturbanés, et qui est difficile d'enlever. Si la personne passe la main dessus, au moment de l'enlever, il n'a pas annulé son odo et il n'a pas réessuyé la tête. Il en est de même pour les pieds. Il enlève les chaussettes après avoir essuyé dessus, il n'a pas à laver les pieds. Son odo est valable tant qu'il ne l'a pas annulé. Et une fois qu'il l'aura annulé, à ce moment-là, il devra relaver les pieds avec son odo. Donc, l'avis le plus fort, si le temps de l'essuyage est passé, l'odo n'est pas annulé, sauf si la personne fait un annulatif de l'odo. Si le temps de l'essuyage se termine, où la personne enlève le khouf, il a le droit de prier tant qu'il n'a pas d'annulatif de l'odo. Et quand il refait l'odo, il doit obligatoirement laver les pieds. Et j'attire l'attention sur ce point. Des fois, il arrive que le temps de la personne, par exemple, se termine. Le temps de l'essuyage se termine à midi. Mais la personne, à 11h45, il a voulu faire la prière d'Al-Duha, il s'est lavé, il a fait le dos, et il a essuyé. Et il a refait le dos, suite à un annulatif à 11h45, et il a essuyé sur ses chaussettes. S'il reste en état de pureté jusqu'à l'Isha, il a le droit de prier avec cet dos, malgré que le temps de l'essuyage est terminé. Et ceci est très important. Donc, je récapitule les conditions de l'essuyage sur le khouf. Premièrement, les enfiler après une purification. Deuxièmement, il faut que le khouf soit propre, les chaussettes soient propres. Troisièmement, il faut qu'il soit licite, que ce ne soit pas des chaussettes volées, ni des chaussettes en soi, car l'autorisation ne se prend pas avec une désobéissance. La quatrième condition, l'essuyage doit s'effectuer durant le temps autorisé et déterminé par la sunna. Certains nombres de sciences rajoutent que les sockets sur lesquels on doit essuyer doivent couvrir les chevilles. Et sur ce point, il y a une grande divergence entre les savants. Ce sont là les conditions que les savants ont instaurées pour l'essuyage. Et ces conditions, ils les ont extraites des textes et des règles générales de la législation. Donc l'essuyage doit se faire sur la grande partie du haut du pied et on n'essuie pas le bas des pieds. Et l'essuyage se fait une seule fois du bout des doigts en remontant vers la jambe, en passant la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche. Et vu que nous sommes en hiver, des fois il arrive comme une paire de chaussettes après l'odo. Une fois l'odo annulé, On le refait en essuyant sur cette première paire de chaussettes enfilées. Et tout d'un coup, avec le froid, tout en étant en état de pureté, on refile dessus une deuxième paire. À ce moment-là, quand on annule l'obo, on essuiera sur la deuxième paire enfilée. Mais le début de la période de l'essuyage débute à partir du premier essuyage qui s'est effectué sur la première paire de chaussettes enfilées. Les savants disent, c'est là la parole juste. Quand la personne enfile une paire de chaussettes sur une autre sur laquelle il a débuté l'essuyage, il peut continuer l'essuyage sur la deuxième paire. Et le temps, il doit prendre en considération le temps du premier essuyage sur la première paire enfilée. Donc, dans la législation d'Allah, il y a aussi l'autorisation des ablutions sèches, qui sont tayammum. Tayammum en arabe veut dire l'objectif. Dans la terminologie religieuse, l'action d'essuyer le visage et les deux mains avec de la terre. En ayant posé les mains sur la terre, ou sur la pierre, ou sur le petit caillou, mettons en application ainsi la parole du messager d'Allah chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim, qui a dit, quand je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. Et donc cette pratique du tayammum trouve sa source dans le Coran, dans la Sunna et l'unanimité des savants de la religion. قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. La traduction approximative du sens de ce verset dans sourate La Table, verset 6, est que vous ne trouviez pas d'eau, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors tournez-vous vers un sol pur et essuyez-vous-en le visage et les mains. Allah ne veut pas vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, afin que vous soyez reconnaissants. La Table, verset 6. Les savants sont également unanimes sur ce point. Les ablutions sèches tayammum furent légiférées en l'an 6 de l'Hijr, lors de l'expédition de Banu al-Mustalaq. Lorsque le collier de Aïcha radiallahu anha a été perdu et qu'ils sont restés immobilisés à sa recherche sans eau. Et à ce moment-là, le verset du tayammum a été révélé. Le verset des ablutions sèches fut révélé à ce moment-là. Donc celui qui ne trouve pas d'eau, ou il est incapable d'utiliser l'eau, car il est trop loin, ou l'eau, il est trop loin de l'eau, ou il fait trop froid, ou il est malade, ou il n'a pas de moyens pour chauffer l'eau, et il est malade. Dans ces cas-là, il peut pratiquer tayammum, même pour l'état de janaba. Dans certains endroits, des fois, et dans certains endroits, comme dans les pays dans lesquels vous vivez, des fois il neige et fait trop froid, au point où l'eau est gelée dans les robinets. On ouvre le robinet, on n'a pas d'eau. Dans ces cas-là, il est permis de prendre la neige qui se trouve devant la maison, de la chauffer et de faire ses ablutions avec. Et si la personne ne peut pas utiliser l'eau, Allah n'impose pas aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tayammum, c'est frapper le sol une fois avec ses deux mains. Cela est prouvé par maintes hadiths. Et nous avons le hadith d'Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, son hadith il est chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumullah ta'ala. Ammar ibn Yasir dit, le prophète m'envoya pour une mission au cours de laquelle je me suis retrouvé en état d'impureté majeure. Écoutez bien, d'impureté majeure. Sans pouvoir trouver d'eau, je me suis donc roulé sur le sol comme le ferait un animal. Ensuite, je me suis rendu auprès du prophète et lui rapporté cela. Il me dit, il t'aurait suffi de faire comme ceci avec les mains. Et il posa une fois ses mains sur le sol, puis il essuya la main gauche sur la droite, le dos de ses mains et son visage. Et l'expression ici, c'est celle du muslim. Dans la version d'Al-Bukhari, il posa la paume de ses mains sur le sol, souffla dessus, puis essuya son visage et ses mains. Pourquoi souffler dessus? S'il y a des petits cailloux, les enlever pour ne pas gratter, pour ne pas blesser le visage. Donc le tayammum est un moyen de purification légiférée quand on n'a pas d'eau ou quand on ne peut pas utiliser l'eau. On n'a pas, on ne peut pas. On va tomber malade. Il fait trop froid. On risque d'attraper une pneumonie ou autre. Hein? Comme le cas de Ammar ou le cas de Khalid. Ibn al-Walid aussi a été envoyé comme commandant d'une troupe. Et il s'est réveillé en état de janaba. Ben, il a fait tout simplement tayammum et il a présidé la prière pour ceux qui étaient derrière lui. Et les compagnons ont rapporté cela au prophète alayhi salatu wassalam. Et Khalid ibn al-Walid, contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit, pourquoi tu as agi ainsi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, a dit, ne vous jetez pas, n'allez pas vers votre perte. Donc cela veut dire que la nuit était froide et qu'il avait peur pour sa santé. Et là encore, avec le tayammum, on constate la facilité de la législation musulmane et l'immensité de la miséricorde d'Allah. Les communautés précédentes, quand ils ne trouvaient pas d'eau, ils ne priaient pas. Allah a comblé la communauté musulmane de sa grâce. Ainsi, n'importe où, dans toute difficulté, Allah a allégé la situation pour les musulmans. Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Ala ni'mati l'islam wa ni'mati sunna. Méditez ce hadith dans Sahih al-Jami'. Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah a dit le sol sa'id est un moyen de purification pour le musulman même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Regardez. Même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Et s'il trouve l'eau, qu'il préserve les droits d'Allah et on verse sur sa peau. Ça veut dire, dès qu'il trouve l'eau, il faut que il fasse les ablutions avec l'eau. Il n'a pas rattrapé les prières qu'il aura fait avec tayammum abadan. Donc, dans le hadith du Jabir, rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète a dit, on m'a accordé 5 choses qu'on a donné à personne avant moi. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à notre messager 5 choses qu'il n'a pas donné à un messager avant notre messager. On a mis l'effroi dans le cœur de mes ennemis à une distance d'un mois. Et la terre est pour moi un lieu de prière et un moyen de purification. Un lieu de prière et un moyen de purification. Ainsi quiconque voit le moment de la prière arriver, il prie. Le hadith il est sahih. Et chez Muslim, dans le hadith d'Abu Huraira, on trouve, et la terre pour nous est un moyen de purification si nous ne trouvons pas d'eau. Le hadith, il est sahih. Et chez l'imam Ahmed, Ali radiallahu anhu rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam, la terre est pour moi un moyen de purification. Et le hadith, il est sahih. Regardez, toute la surface de la terre est pour le messager d'Allah et sa communauté un lieu de prière. Ainsi, ils peuvent prier où qu'ils soient lorsque arrive l'heure de la prière. Au contraire des prophètes précédents qui ne priaient avec leur communauté que dans des lieux spécifiques. Donc, à l'exception des endroits où il est interdit de prier, Allah a facilité les choses au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté en faisant ainsi pour eux de la surface de la terre un sa'id, un moyen de purification et un lieu de prière. Donc la communauté musulmane a la permission de pratiquer le tayammum avec tout ce qui est sur la surface de la terre. on peut le pratiquer avec les pierres, même s'il ne comporte pas de terre, turab, car il est rapporté de manière authentique que le messager d'Allah a accompli le tayammum en utilisant un mur qui ne comportait généralement pas de terre. Car ce n'est pas la terre elle-même qui purifie, mais c'est une pratique légiférée. C'est une pratique qui est une adoration légiférée sur laquelle nous devons écouter et obéir et mettre en application tout simplement. Et tout cela, s'il nous prouve quelque chose, il nous prouve la majesté de cette religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Cela nous prouve la grandeur et la majesté de cette religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Il nous prouve aussi que c'est une religion parachevée, que nous avons besoin ni de l'Est ni de l'Ouest, que concernant tous les aspects de notre vie, la législation nous a instauré des règles. Et au moment des difficultés, nous a permis des autorisations. Mais l'autorisation doit être celle qui est instaurée par la législation d'Allah, non celle que les gens prennent d'eux-mêmes, abadan. Mais l'autorisation, elle est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce que nous a instauré notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Fa la louange à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait de nous des salafis et qui a fait de nous des hommes qui aiment la sunna de son messager alayhi wa sallam et qui aiment la voix de ses pieux prédécesseurs, qui aiment la voix de leurs pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. فسال الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا